بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز تناول حبوب منع الحيض في رمضان حتى أكمل صومه أو حتى أكمل صومه؟ نعم، يعني يغلق في هذه النسخة. وأصلي وكذلك إذا أردت العمرة أو الحج. Donc ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه par rapport à Ramadan. Est-ce que c'est permis pour la femme de prendre des pilules pour empêcher son cycle de menstrues? لماذا؟ لأن الحيض كما هو معروف, la femme, quand elle est atteinte de son cycle, elle ne peut pas jeûner. Et elle doit rattraper ses jours. فبعض النساء, elle se pose souvent cette question. Est-ce qu'elles peuvent prendre ces pilules hatta le cycle se retarde et elles peuvent jeûner ce mois entier? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما تناول هذه الحبوب في رمضان من أجل الصلاة والصوم فلا داعي لها. نعم, لأن كذلك cette femme elle ne pourra pas faire salat, elle ne pourra pas faire salat al-tarawih, la nuit, qui est une salat spécifique au mois de Ramadan. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah قال: le fait de prendre ces pilules, fala da'i li dhalik, il n'y a pas besoin. لماذا؟ لأن الله عز وجل كريم. Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité à la femme, à cette femme qui a son cycle, qui est une chose naturelle qui touche toutes les femmes ou la plupart des femmes. Ça arrive. Donc, elle rattrape son jour. Elle n'a pas besoin de prendre ses pilules. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم فلتفطر إذا جاءها ولا تصلي وبعد ذلك تقضي صومها. أما الصلاة bien sûr, elle la rattrape pas. أما الصيام فألا rattrape. Donc, il n'y a pas besoin. Certaines femmes, elles sont motivées, elles veulent participer, les anna jeûner avec les musulmans au mois de Ramadan. La chèque, c'est plus simple, il y a une certaine ambiance, il y a salat al-tarawih, il y a akhri. Lakin, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cela, que les femmes, elles ont ce cycle et elles ne peuvent pas jeûner et elles ne peuvent pas faire la salat. Kadhalik, autre chose, anna hadhihi al-hubub tusabbib amrad. فيها ضرر. Ces pilules, certaines quand c'est pris souvent, ça fait du mal à la femme. Le fait que le cycle soit retardé, c'est pas taïb. Combien de femmes elles souffrent quand le cycle se dérègle. فكما قال شيخ ابن عثيمين لا حاجة لذلك. La femme elle a pas besoin de هذا. خاصةً Ramadan, ça revient tous les ans et ça dure un mois. Enfin, ça peut lui faire du mal. قال أما في العمرة والحج فلا بأس بها إذا احتاجت إليه ولكن عليها أن تستشير الطبيب قبل استعمالها حتى لا يكون فيه ضرر عليها. Pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen l'a fait la différence entre le Hajj et l'Umra? أقصد entre le Hajj et l'Umra et le Siyam. لماذا؟ لأن الصيام tu peux le rattraper. أولا, la femme qui a manqué ses 4, 5, 6 jours à cause de son cycle, dès que le Ramadan est fini, والله الحمد لله toute l'année jusqu'au Ramadan prochain pour rattraper. Kadhalik, Ramadan, ça revient souvent, une fois par an. Et si la femme, depuis son jeune âge, elle s'habitue à prendre ses pilules, ou alors, durant la période de siyam, ça peut lui faire du mal au bout d'un certain temps. Kadhalik, al-hajj ou al-umra, peut-être que cette femme, Cheikh Ibn Uthaymeen, on répète, pour le hajj et la umra, pour le pèlerinage et la umra, il n'y a pas de mal. Limada, li anna al-hajj ou al-umra, la femme, awalan, peut-être c'est une fois dans sa vie. Peut-être qu'elle a économisé de l'argent pour faire le hajj, etc. Peut-être qu'elle est accompagnée. Et si elle est touchée par son cycle, est-ce qu'elle pourra terminer ou pas? Est-ce qu'elle pourra revenir? Là, je sais qu'il y a une mashaqa azima. Faliada, tu trouves, par ahl al-ilm, comme Cheikh Ibn Uthaymeen et Saint Qultayyim, elle a vu que c'est peut-être une fois dans la vie. Et c'est que pour quelques jours. Si la femme, elle prend ses précautions et elle prend cette pilule pour repousser ce cycle, pour qu'elle puisse faire le hajj, fa tayyib. Khassatan, le hajj, elle n'est pas toute seule. En général, c'est des groupes. Et si elle est touchée par son cycle, khassatan, si c'est à une certaine période, elle ne peut pas faire tawaf, l'ifada, etc. Peut-être qu'elle aura des difficultés après. Est-ce qu'ils vont l'attendre ila akhire? Fi hadha al-hal, il n'y a pas de mal. Ma'a hadha al-qayd, on rappelle plutôt la précision de Cheikh Ibn Uthaymeen. Awalan, lakin alayha an tastashir at-tabib. Awalan, elle demande conseil à un médecin. Bien sûr, un médecin qui connaît ces choses, un médecin qui de confiance. Hatta il l'informe. Est-ce qu'elle peut amla? Si y a un mal, pour elle, c'est le médecin de confiance, il lui dit, ça peut lui faire du mal. Hatta pour le Hajj ou l'Umrah, c'est pas permis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de se faire du mal. On fait attention à ce genre de masail. On ne se laisse pas aller et faire des choses qui peuvent nous faire du mal. Pour le siyam, la femme, la tukallif nafsaha. Wallahi alhamd, si elle n'a pas jeûné un jour, deux jours, quatre jours, cinq jours, falhamdulillah, elle a toute l'année pour jeûner. Et elle est excusée. Hakada pour la salat. Amma la salat, bien sûr, elle ne la rattrape pas. Wallahu musta'an. Al-Mardi, la référence, Fatawa ala tariq de Sheikh Ibn Uthaymeen, la question 891, le chapitre de As-Siyam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa naktafi bihadal qadr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.